Au sud du continent américain s'étend l'Amazonie. Cette région immense, chaude, humide, touffue, on l'appelle l'enfer vert. De là, paraît-il, personne ne revient sans avoir perdu la boule ou au moins un orteil. Dans la forêt amazonienne, les hommes entrent pour se faire engloutir à tout jamais. L'air est suffocant et les arbres si hauts qu'ils cachent les rayons du soleil. Entre les serpents visqueux, les anacondas et les vers qui se glissent sous la peau pour y pondre des œufs, on risque sa vie à chaque instant. Oui, la jungle est un monde impénétrable, un mystère, un secret qui résiste à l'homme et lui rend coup sur coup. Pourtant, c'est bien là que nous nous rendons. Attention, nous sommes sur le point de plonger au cœur des ténèbres. Dans la jungle la plus vaste et la plus dangereuse de la planète Terre. Mais, oh, mais qu'est-ce qu'il y a, le moustique ? Hein ? Oui ? Oh, bah oui, ça va ! Je sais que j'en fais des caisses ! Mais ma foi, c'est ça qui est bon ! Dans la vie, il y a des moments décisifs. L'année 1914 est un tournant pour Percy Harrison Fawcett, le héros de notre aventure. Il est 11h30. Nous sommes dans un petit café de Rio de Janeiro, la capitale du Brésil. La chaleur est terrible. Percy est trempé de sueur, sa chemise lui colle à la peau. Dehors, il pleut à verse. Le tonnerre gronde. C'est ce qu'on appelle un climat tropical. Mazette ! En voilà un qui est bien informé. Et pour cause, Percy est un explorateur hors pair. Que dis-je ? Un as de l'expédition. À presque 50 ans, cet Anglais a déjà bien roulé sa bosse. L'Amazonie, je l'ai dans la peau. Un point, c'est tout. Et tandis qu'il reprend une gorgée de ce café amer qu'il aime tant, il se souvient de son premier périple dans la jungle. Le bonhomme a alors 39 ans. C'est un militaire, vif, audacieux, courageux, un brin têtu. Son pays, l'Angleterre, cela fait belle lurette qu'il a quitté. Percy a travaillé au Sri Lanka, à Hong Kong et en Afrique du Nord. Sa spécialité ? La topographie. Percy sait lire les paysages. Il mesure les rivières, il observe les vallées, les collines, puis il les représente sur des cartes. Il travaille pour la Société Royale de Géographie, laquelle réunit de grands savants et d'illustres explorateurs. Bien joué, Percy ! En 1906, il est envoyé en Amérique du Sud pour cartographier la frontière entre la Bolivie et le Brésil. La région, en effet, est encore largement méconnue des Européens. Tant mieux, c'est ça qui excite notre bonhomme. S'aventurer là où personne n'a osé se rendre avant lui. Sans cesse, il se répète ces vers de Rudyard Kipling, un grand auteur anglais. Quelque chose est caché. Va et trouve-le. À la tête d'une expédition rassemblant plusieurs hommes, Percy, casque sur la tête, bottillon, short et foulard de soie noué autour du cou, prend la direction de ces grandes montagnes qu'on appelle les Andes. Après plusieurs jours de marche, perché sur de hautes falaises, il rencontre, pour la première fois, la forêt amazonienne. Percy ressent un choc puissant, terrible. Il a l'impression qu'un poison pénètre son corps sans qu'il ne puisse rien y faire. Intoxiqué, enivré, il a la tête qui tourne. De sa vie, il n'a jamais rien vu de pareil. Les arbres sont énormes, immenses et entremêlés les uns aux autres comme un troupeau d'araignées géantes en train de danser. Le sol grouille d'insectes et de bêtes rampantes. Partout, il fait sombre. Percy dort peu, mange très peu, mais marche beaucoup. Et il perçoit tout puissance 10. L'humidité, les odeurs et les bruits menaçants de la forêt. La nuit, souvent, il croit l'entendre hurler. Dans le nord-est de la Bolivie, les Européens exploitent du caoutchouc. Percy découvre un monde extrêmement violent. Des Amérindiens, enlevés dans la forêt par de riches propriétaires, arrivent ici chaque jour. Par centaines. Réduits en esclavage, utilisés comme du bétail, ils tombent comme des mouches. L'explorateur est révolté par ce qu'il voit. Depuis leur arrivée, il y a maintenant 400 ans, les Européens ont décimé les habitants de l'Amazonie. Pas étonnant que la plupart d'entre eux nous détestent. Pense Percy. Et dire qu'avant de partir, un camarade lui a glissé... Prenez garde à ces sauvages. Ils sont capables des pires cruautés. Beaucoup sont cannibales, vous savez. Voilà 6 mois que l'expédition a pris la route. Les hommes sont assoiffés, affamés, ils crachent du sang. Dans ce monde hostile, dangereux, personne ne peut survivre très longtemps. Dans la chaleur, sous la pluie, au milieu des serpents, des crocodiles et des anacondas, l'explorateur poursuit sa route. Il s'éloigne et se rapproche chaque jour un peu plus du cœur de l'Amazonie. Un an plus tard, il envoie ses cartes à la Société Royale de Géographie et bâille. Non seulement Percy a réussi à accomplir sa mission, mais il l'a fait avec plus de 10 mois d'avance. Waouh ! Cela fait maintenant 15 ans que Percy sillonne la jungle. Des explorations au cœur de cet enfer vert, l'aventurier en a mené 6 autres qui lui ont permis de cartographier une bonne partie de l'Amazonie. Entre nous, c'est absolument époustouflant. Personne n'arrive à s'achever. Notre homme a survécu aux chauves-souris vampires et aux anguilles électriques. Il peut marcher 1 mois sans manger et ne tombe jamais malade. Certains racontent qu'il serait invincible. Invincible ou pas, une chose est sûre. Percy ne se sent jamais aussi vivant que lorsqu'il livre bataille avec la jungle. Mais s'il aime tant l'Amazonie, c'est aussi parce qu'il croit qu'elle renferme un très grand secret. Depuis plusieurs années, Percy est persuadé qu'au fin fond de la jungle se cachent les vestiges d'une grande civilisation disparue. À quoi ressemble cette mystérieuse cité ? Il l'ignore. Mais il est certain d'une chose, plus ancienne que l'Empire romain et que l'Égypte des pharaons, elle serait à l'origine de l'humanité. Pour des raisons inconnues, il l'appelle la cité de Z. Comment ? Là où la vie humaine a tant de difficultés à se maintenir, la première civilisation de l'histoire se serait développée ? Oh ! Ça paraît complètement fou ! Mais peut-être pas tant que ça. Percy n'est pas un hurluberlu. La cité de Z est venue à lui petit à petit, au fil de ses explorations, de son apprentissage de la jungle et surtout de sa rencontre avec ses habitants. En 1910, Percy se trouve au nord-ouest de la Bolivie. Il remonte en pirogue la rivière Is en compagnie d'autres explorateurs. Le ciel est clair, l'eau calme. Un peu trop peut-être. Soudain, des flèches empoisonnées longues de 2 mètres déchirent le ciel. Oh là là, ça sent pas bon ! S'exclame Percy. Et en effet, la compagnie est en train de se faire attaquer par un groupe de Quarayos ! Repliez-vous ! Repliez-vous ! Crie immédiatement Percy à ses hommes. Et puis baissez vos fusils, bon sang ! Ils vont croire qu'on est là pour les attaquer ! Les hommes s'exécutent, mais les flèches, toujours plus nombreuses, continuent de pleuvoir au-dessus de leur tête. La vache ! L'une d'elles vient de passer à moins de 10 cm du crâne de ce bon vieux Percy qui, pourtant, maintient ses ordres pacifistes. Hé, hey, Jack ! Sors ton accordéon et joue ! Amen ! Répond le bonhomme déboussolé. Mais fais ce que je te dis ! Joue, mon vieux, joue ! Mais oui ! Excellente idée ! La musique adoucit les marches. Et c'est ainsi que Jack se met à jouer, accompagné par le reste du groupe qui se met à chanter. All the wind is on the quarter, the engine's running free, there's no another way. Sous les flèches qui continuent d'arroser le ciel, Percy défait alors son foulard. Il l'agite au-dessus de sa tête, puis il se jette à l'eau en criant « Ami ! Ami ! Ami ! » Et puis, tout à coup, le déluge s'arrête. Plus personne ne bouge. Chacun retient sa respiration. De Guarayos s'approche de l'explorateur. Mon Dieu ! Non ! Il l'enlève ! Percy disparaît dans la jungle. Mamma mia ! Où l'ont-ils emmené ? Et pourquoi faire ? 1 heure plus tard, sous les yeux ébahis de ses compagnons, Percy réapparaît. Oh ! Incroyable ! L'explorateur a réussi à se lier d'amitié avec les Guarayos ! C'est une occasion en or, dont il compte bien sûr profiter. Pendant plusieurs jours, il se mêle à eux et les observe. Les Guarayos maîtrisent la médecine à la perfection et disposent de grandes quantités de nourriture. Grâce à des techniques ancestrales, ils cultivent les plaines fertiles près des fleuves où ils font pousser du manioc, du maïs, des patates douces et des bananes. Leurs méthodes de chasse et de pêche, par ailleurs, sont extrêmement élaborées. Percy est stupéfait. L'Amazonie n'est pas du tout ce que l'on croit. Comprend-il alors ? Ces habitants ne sont pas de dangereux sauvages à la vie misérable, contraints de se manger entre eux pour survivre, non. Ils possèdent des secrets qui échappent aux Européens. Dès lors, chaque fois qu'il a l'occasion de rencontrer des peuples d'Amazonie, il tente de nouer des liens avec eux. Percy découvre des cultures extrêmement raffinées. Plus il apprend à connaître les sociétés d'Amazonie, plus il s'approche de sa cité perdue. Au fil du temps, Percy, qui a appris à parler certaines langues amérindiennes, se rend compte que des légendes circulent. Les Ekoa, les Maksubi, tous évoquent des villages grandioses et magnifiques dans lesquels vivaient jadis leurs ancêtres. D'autres indices suivent rapidement. Un peu partout dans la jungle, l'explorateur découvre d'étranges dessins sur les roches. Des silhouettes d'hommes et d'animaux, visiblement très anciens. Plus tard, il trouve, enfouis dans les herbes hautes, des morceaux de poterie extrêmement raffinés. Là encore, elle semble avoir plusieurs milliers d'années. Et ce n'est pas tout. Entre les plateaux et les plaines du bassin amazonien, l'explorateur observe des sortes de chemins disposés de façon géométrique. C'est pas vrai. Mais on dirait des routes. Des routes ? Mais qui les a tracées ? Et ces dessins, qui les a faits ? Et ces poteries anciennes, comment sont-elles arrivées là ? Percy tourne et retourne ses éléments dans tous les sens. Il ne trouve qu'une seule explication possible. L'Amazonie a jadis abrité une grande civilisation dont l'humanité a depuis perdu la trace. Et Percy compte bien la retrouver. Reste à savoir où elle est. S'il est assis dans ce café de Rio de Janeiro, en cette matinée pluvieuse de l'année 1914, ce n'est évidemment pas un hasard. De l'autre côté de la rue se trouve la grande bibliothèque nationale du Brésil. Elle abrite un manuscrit très ancien. Le fameux Manuscrito 512. Daté de l'année 1753, il raconte les aventures d'un explorateur portugais qui aurait découvert les ruines d'une cité extrêmement ancienne. À tous les coups, il s'agit de ma mystérieuse cité de Z. Avec un peu de chance, il y aura des indications. D'un pas rapide, il traverse la rue. Hé là ! Attention, Percy ! Oh, tu as bien failli finir étalé comme une crêpe sur un bus ! Le voici enfin devant le fameux manuscrit. Le cœur de Percy bat la chamade. Délicatement, il tourne une page. Puis deux. Puis trois. Il lit des heures. Ses yeux brillent. Ce qu'il découvre est époustouflant. Oui, oui, oui. Tout concorde. C'est bien de sa mystérieuse cité de Z dont il est question. Wow. Le manuscrit indique qu'elle se trouve au Brésil, dans la région du Mato Grosso. Je savais. Bingo. C'est là qu'il doit chercher. C'est là qu'il doit se rendre. Ouais. Hélas, nous sommes en 1914. La Première Guerre mondiale vient d'éclater. Percy, tu le sais, est militaire. Après avoir survécu à l'enfer de la jungle, résistera-t-il à l'enfer de la guerre ? Derrière cet épisode, il y a Anne-Sophie Ladonne, Fanny Leroy, Basile Bocquer et moi, Laure Grand Besançon. La forêt amazonienne a de quoi fasciner. Elle abrite plus de 40 000 espèces de plantes, 30 000 espèces de poissons d'eau douce et plus de 370 espèces de reptiles. Mais c'est aussi un espace en très grand danger. Au Brésil notamment, la déforestation va bon train. Récemment, on a estimé que 18 arbres par seconde étaient coupés. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.